Maurice Joyeux intervient dans la polémique. Pour comprendre cela, il faudra comprendre chez nous les choses en député. Que dans la banlieue parisienne, dans une ville promise aux bidonvilles et aux usines mangeurs de travailleurs, dans une université toute neuve, qu'une poignée de militants que nous connaissions bien, dont certains d'entre eux avaient fréquenté notre mouvement, ont jeté à travers cette université cette pensée révolutionnaire qui s'est développée par la nuit. Et plus de faculté en faculté, de boulevard en boulevard, de barricade en barricade, cet esprit nantais a débouché sur toute la capitale est venu jusqu'à part de sa marée les murs des usines parisiennes. Lorsque les travailleurs parisiens, c'est une immense syndicaliste que je connais bien parce que je suis avec eux, moi. Lorsque les travailleurs parisiens ont entendu les causes nantaises, lorsqu'ils ont entendu cette jeunesse qu'on pouvait penser être une jeunesse dorée, déclarer qu'elle ne voulait plus fournir les corps pour la continuation de l'exploitation des travailleurs, quelque chose a bougé dans ce mouvement ouvrier. Quelque chose est remonté à la surface dans ce mouvement ouvrier. Et ce qui est remonté, c'est le front fervent révolutionnaire que les travailleurs avaient connu dans leur chemin et que les bons syndicaux avaient réussi à effacer. Et ça a été, après ces luttes, ces barricades, où les travailleurs, les hommes se sont battus, rue d'une, ces rues délicates, et où les militants de la Fédération anarchiste étaient présents dans le combat. Ça a été, après ces luttes, la magnifique manifestation de solidarité, qui à Paris a acheté 1 million de travailleurs de la République à Saint-Pierre-Franchemont, 1 million de travailleurs à la tête duquel ont défilé la forêt des drapeaux noirs qui ont mis le pays à la tête. Et vous autres, les militants de la Fédération anarchiste à la tête de ce cortège, avec nos drapeaux noirs, mêlés au mouvement ouvrier qui combat avec nous et qui nous connaît bien parce qu'on combat tous les jours à ses côtés, était le mouvement anarchiste qui a conduit ce défilé pendant cette traversée de Paris. Et puis, ça a été la grève avec les occupations d'usines. Savez-vous quelle a été la première usine occupée? C'est une usine de Nantes, sur l'aviation. Savez-vous qui est-ce qui a lancé le mot d'ordre de grève avec occupation à sur l'aviation qui fait suivi partout? C'est une section syndicale composée de forces révolutionnaires dans laquelle se trouve tout le monde universitaire de Nantes. Les politiciens se reprenaient, bien sûr, mais les ouvriers, dont la faiblesse de constitution allait bientôt éclater à tous les yeux, se laissaient reprendre également. Et on pouvait, et vous pouviez crier, non pas élection trahison, mais élection pied à pont, parce que naturellement, les organisations syndicales jouaient leur rôle, mais également parce qu'une classe ouvrière démobilisée avait perdu sa main de la lutte révolutionnaire et était restée sur le terrain de sa revendication. Et le mouvement en France a été comme celui-là. Nous l'avons bien connu parce que nous nous sommes battus partout, ils ne nous veulent pas. Et nos militants se sont battus à tous les échelons où la confiance des travailleurs les avait employés. Et partout où nous avons été, que ça soit dans les assises nationales ou que ça soit dans les luttes journalières, c'est toujours le drapeau de la révolution universitaire que nous avons prêché. Nous l'avons marqué. Un certain nombre de politiciens et d'intellectuels se sont bien aperçus que la démocratie libérale ne serait pas une partie. Mais on pouvait peut-être étirer le carcan de l'autre côté, sur l'autre bord, en mettant dans le parti juste une peau d'anarchie pour lui redonner des nouvelles couleurs qui soient moins belles, moins d'art. Eh bien, il y a à Paris un tas d'intellectuels besogneux qui ont fait leur classe de parti dans l'université et qui tournent autour du mouvement libertaire, comme les putains tournent autour des bistrots bien achalandés. La pensée de Stirner aussi. Et c'est avec ce drapeau-là et en balayant toute la pourriture marxiste qu'on fera avancer.